Ensemble revenu, l'amour est notre lien, la paix est notre foi. En juin nous célébrons la splendeur de nos jeux pour l'Afrique. طريق أمجدنا وادي السمر ولادنا